Bonsoir et bienvenue à l'écoute de cette édition spéciale en synergie des médias. Un seul sujet est à l'honneur, la hausse des prix de certaines denrées alimentaires de première nécessité sur différents marchés du pays. À travers les reportages dans différents coins du pays et les interventions des uns et des autres, vous entendrez les causes et les conséquences de cette situation. Des représentants des associations de la société civile ont leur lecture par rapport à la situation ainsi que l'analyse d'experts en économie. Participe à cette édition spéciale en synergie les radios Bonesha FM, Radio Isanganiro, Radio Rema FM Star et Radio Shima FM. À la présentation de cette édition en synergie, vous êtes avec Mireille Kanyange et Sonia Kamikadi. La mise en onde est assurée par Viateur Kwizera. À la réalisation de cette édition en synergie, il y a Alain Nyomuchamanza et Alain Désiré Bukeneza. Bienvenue. Rebonsoir. Débutons donc cette synergie au marché de Kotebu et Bujumbura City Market dit Kwasi Oni, situé dans la commune urbaine Nahangwa, où les clients dénoncent une hausse exponentielle des prix de presque tous les produits dans ces quatre derniers mois. Le riz a été majoré à une somme variant entre 500 et 1000 francs. L'huile de coton passe de 12 000 à 20 000 francs. Les commerçants parlent d'une baisse de production agricole et les coûts élevés des frais de transport. Reportage signé Willy Sindayebour. Nous sommes au marché Bujumbura City Market, communément appelé Kwasi Oni. Ce client s'inquiète de la flambée de prix de presque tous les produits de première nécessité. Un kilo de riz qui coûtait entre 3 000 et 4 000, souvent aujourd'hui entre 5 et 7 000. Le sel s'achetait à 1 000 francs le kilo, actuellement à 2 000 ou 2 500 francs. L'huile de coton, une quantité de 12 000 a été majorée jusqu'à 18, même 20 000. Le haricot, une catégorie appelée quinoulé, entre 3 500, 4 000 comme ça. C'était à 2 000 ou même 1 700 francs. Des ustensiles de cuisine qui étaient à 500 se vendent à 2 000 francs. Les vendeurs de ces produits soulèvent la chèreté des prix d'approvisionnement. Ces prix sont les mêmes au marché de Kotebu. Certains commerçants dans ces deux marchés affirment que la hausse des prix est aggravée par le coût élevé de transport de ces marchandises. Tu vois ces 5 sacs de 100 kg en provenance de Kayanza. J'ai payé 5 000 francs pour. C'était à 50 000. Un kilo de riz était vendu ici à 4 000 francs après avoir payé les frais de transport, mais a été actuellement majoré de 300 francs. Nous nous approvisionnons ainsi à 4 500, 4 600 comme ça. Nous serons obligés de le vendre entre 4 800 ou bien même 5 000. D'autres commerçants parlent d'une faible production en plein accroissement de la population. Je viens de passer beaucoup de temps étant commerçant. Les prix sont abordables s'il y a une bonne production agricole. Par exemple, les tomates étaient dans la saison de récolte à 1 500 francs ou 2 000 francs. Tu recevais une bonne quantité. Aujourd'hui, les prix sont de 3 000 francs. Les oignons aussi. Vous vous rappelez que nous avons même acheté 1 kg à 8 000 francs. Mais ces derniers jours, 1 500 francs seulement, cette farine de manioc dite ma fraîcheur se vendait à 3 500 francs. Mais parce que nous sommes dans la saison pluvieuse, nous nous approvisionnons à 3 700 francs et nous vendons à 4 000 francs. Au Burundi, vraiment la production agricole baisse progressivement. Il y a une bonne croissance. Et que ce soit ces commerçants et les clients, tous demandent l'intervention du gouvernement pour réduire le coût de transport de marchandises en rendant disponible en premier le carburant, mais également tout faire pour augmenter la production agricole. C'est au moment où ces derniers convergent à affirmer que dans 4 derniers mois, les prix de produits, entre autres de première nécessité, ont été majorés entre 500 et 1 200 francs. Willy Sindai Hebura et de Bujumbura City Market, rendons-nous en commune Gihanga de la province Bubanza pour parler des prix du riz, du haricot et du maïs qui ont été majorés d'une somme variant entre 1 000 et 2 000 francs en Burundi le kilogramme dans une période de 2 mois. Des consommateurs de ces produits expliquent que les ménages sont affectés par cette hausse. Ils plaident pour la prise en compte des mesures visant à atténuer les effets de cette flambée des prix. Une correspondance est signée Spes Caritas Kabanyana. Le prix du haricot, par exemple, sur différents marchés comme à Moussegni en commune Manda, Mozinda en commune Rugazi et à Gihanga, varie d'une qualité à l'autre. Le moins cher, communément appelé Kirundo, coûte actuellement 3500 francs le kilo, alors qu'il était à 2500 francs il y a 2 mois selon les vendeurs et les acheteurs contactés. Et le plus cher, communément appelé Jaune ou Mohoro, arrive à 7000 francs le kilo. Le riz coûte 4500 francs le kilo, il était à 3500 il y a 2 mois. Le soja se vend actuellement à 6000 francs le kilo. Il s'achetait auparavant 3000 francs selon les habitants de Manda que nous avons approché. Un kilo de maïs coûte 3000 francs jusqu'à 4000 francs. Il était à 2000 francs au mois de septembre de cette année selon les acheteurs rencontrés. Les habitants des communes visitées disent ne pas comprendre pourquoi le maïs et le riz, beaucoup produits dans la plaine de Gihanga, Manda et Mozinda, restent à un prix élevé. La population déplore cette hausse de prix et dans certains ménages, ils peuvent passer toute une journée sans manger ou encore ils n'ont que des légumes, comme les habitants rencontrés au village 4 de la commune Gihanga l'ont signalé, tout en précisant qu'ils essaient de travailler par tâche pour gagner de l'argent. Et une tâche est un petit terrain de 5 mètres sur 20 mètres, mais l'argent reçu devient insuffisant au marché face à la hausse des prix. Ils demandent aux bienfaiteurs d'intervenir et à l'État de revoir les taxes, puisque certains commerçants expliquent que les denrées alimentaires sont chères car ils paient beaucoup de taxes. Spécialitas Kabanyana en province de Bubanza pour la synergie des médias. Merci à toi, Space Caritas Kabanyana de Bubanza à Makamba. Des habitants qui s'approvisionnent au marché central de Makamba demandent au gouvernement de trouver des solutions durables à la flambée des prix des produits de première nécessité. Depuis 3 jours, la flambée des prix des produits de première nécessité prend une allure inquiétante, entraînant des familles à vivre dans des difficultés. Depuis Makamba, Richard Kabura pour plus de détails. Depuis 3 mois, les prix des produits vivriers ont spectaculairement augmenté au marché central de la province de Makamba. Le haricot a connu une augmentation du prix variant entre 1300 et 1500 francs par kilogramme selon sa qualité. À titre d'exemple, le prix du haricot communément appelé kinure a passé de 2500 à 4000 francs. Le riz produit à Munyika dans la même province se vend entre 3800 et 4000 francs alors que son prix d'il y a 3 mois varié entre 2000 et 2200 francs. Le prix du riz importé de la Tanzanie a passé de 3500 à 5200 francs, voire plus. Le prix des graines de maïs a passé de 1900 à 2500 francs par kilogramme. Cette flambée des prix n'a pas épargné aussi d'autres denrées alimentaires produits localement, telles que patates douces, farine de manioc, oignons, prunes, steak et cela. Certains acheteurs rencontrés dans le dit marché racontent qu'ils sont dépassés par cette situation d'aller le faire. Actuellement à la maison, on ne prend pas le déjeuner, on mange le soir seulement. Les prix sont à hausse, on n'a pas de choix. Les enfants ne mangent pas à satiété, cela cause l'insécurité en famille. Même les fonctionnaires de l'État se lamentent, disant qu'ils n'ont pas d'espoir de tenir debout face à cette situation. On est dans l'embarras. Quand on va au marché avec 10 000 francs, on ne trouve pas quoi acheter avec. La flambée des prix nous fait peur. Même nos salaires ne permettent pas de joindre les deux bouts du mois. Selon ces habitants, le gouvernement devrait prendre des mesures urgentes pour sauver la population contre cette situation. l'intervention. Nous demandons l'intervention du gouvernement pour réglementer les prix. Nous demandons au gouvernement de supprimer les taxes de douane des denrées alimentaires importées et augmenter le salaire pour les salariés de l'État. Cette montée des prix des produits vivriers touche aussi les commerçants car les acheteurs ont sensiblement diminué, explique-t-il. Depuis le marché central de Makamba, Richard Kaboura pour la Synergie des médias. Retour en mairie de Bujumbura où les habitants de cette capitale économique qui est Bujumbura se plaignent de cette flambée des prix de différents produits. Ceux qui ont des enfants se lamentent qui ne peuvent plus assurer correctement la scolarité de leurs enfants et du côté de leur famille, de ceux qui ont des familles à l'intérieur du pays. Ils indiquent qu'ils ne peuvent plus aller les voir et demandent au gouvernement de tout faire pour que les prix soient revus à la baisse. Le point avec Venan Niyomungere. Ce sont certains habitants de la capitale économique Bujumbura qui se plaignent de la flambée des prix des produits, surtout les prix des denrées alimentaires. Ces derniers disent qu'ils ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins et ceux de leurs familles. Ceux qui ont des enfants témoignent qu'à cause de cette situation, ils ne sont plus capables d'assurer correctement la scolarisation de leurs enfants. Avec le peu de moyens que nous possédons, nous ne pouvons pas acheter le nécessaire pour notre famille. Nous ne sommes même pas capables d'assurer correctement la scolarité de nos enfants. C'est vraiment une perte énorme. Les prix des produits sont très élevés alors que les moyens financiers restent très minimes. Par exemple, moi qui suis père de famille, mes enfants peuvent manger juste une fois par jour. Alors que normalement, une personne est censée manger trois fois par jour. Des prix des denrées alimentaires. Ceux qui ont des familles vivant à l'intérieur du pays racontent qu'ils ne peuvent plus aller voir leurs familles vivant à l'intérieur du pays car les prix des tickets de transport ont été aussi revus à la hausse. Ces habitants demandent au gouvernement de remuer ciel et terre pour maîtriser la flambée des prix. Ils demandent aussi au gouvernement de résoudre la problématique liée à la pénurie du carburant car cette situation figure parmi les causes majeures de la flambée des prix sur différents marchés. L'État devrait trouver solution à la pénurie du carburant afin que les produits qui viennent de l'intérieur puissent être vendus à des prix abordables. Nous demandons que les prix soient revus à la baisse afin que les gens puissent subvenir à leurs besoins. La pénurie du carburant qui figure parmi les causes majeures de la flambée des prix existe au Burundi il y a environ 3 ans. Venant Niyomungere, des familles de la province Gitega disent qu'elles se retrouvent dans l'incapacité de nourrir leur famille suite à la flambée des prix des produits de première nécessité. Ils se plaignent que cette situation commence à avoir des répercussions négatives, surtout sur la santé des enfants. Evode Ninghunze depuis Gitega. Les habitants de la sous-colline Karambi, colline Nobge, zone Mungwa de la commune et province Gitega, avec qui nous nous sommes entretenus, s'exprimant sur la flambée des prix des produits vivriers sur le marché, ont signalé que suite à cette flambée des prix, ils ne parviennent plus aujourd'hui à nourrir leur famille comme il faut. Une ration de 10 000 francs boune suffit pour une famille qui a plus de 3 enfants, disait-il. Au lieu de 3 repas, aujourd'hui plusieurs familles n'ont droit qu'à un seul repas, ajoutent ces habitants de la sous-colline Karambi. Colline Nobre, zone Mungwa de la commune et province Gitega. La vie a été compliquée par la flambée des prix, surtout celle des produits vivriers qui sont nécessaires chaque jour. De manière que même les fonctionnaires de l'État qui ont un salaire mensuel fixé ont du mal à joindre les deux bouts du mois, ajoute cette population. Les conséquences dont l'abandon scolaire à l'endroit des enfants étant sur le banc de l'école, les maladies liées à la malnutrition se manifestent déjà dans les ménages, soulignent ces habitants de la sous-colline Karambi. Même ceux qui fréquentent encore l'école, ils ne suivent pas convenablement le cours à défaut de manque de quoi mettre sous la dent après le temps de l'école. Ces habitants de la sous-colline Karambi, colline Nobge, zone Mungwa de la commune et province Gitega demandent au gouvernement de tout faire pour réguler les prix des produits sur le marché et surtout les prix des produits vivriers afin de soulager les familles burundaises qui, d'après ces habitants, vivent pour le moment dans des conditions très compliquées. Comment 17h40 dans le studio de la Synergie des médias, place à la statistique pour parler de l'importation du riz et du maïs au Burundi sur les 6 premiers mois de cette année 2024. Les données de la Banque centrale révèlent que près de 36 000 tonnes de riz ont été importées au cours de l'année en cours contre 6 800 tonnes pour l'année 2023 sur la même période de janvier à juin. Selon toujours ces données, le maïs importé a atteint plus de 20 000 tonnes en 2024 contre 6 000 tonnes en 2023. Une analyse de Jean de Dieu Irakoze. À côté d'être produit localement, le riz, le maïs et le haricot, ces produits vivriers essentiels pour l'alimentation des ménages burundais sont aussi importés. Les données de la Banque de la République du Burundi montrent qu'il y a eu explosion de l'importation du riz pour les 6 premiers mois de l'année 2024. Près de 36 000 tonnes de riz importées de janvier à juin 2024, alors que sur la même période en 2023, le Burundi avait importé seulement 6 800 tonnes. Plus de 20 000 tonnes de maïs de janvier à juin 2024 contre 6 000 tonnes sur la même période en 2023. Excepté les droits de douane, les données de la Banque de la République du Burundi révèlent que le kilogramme de riz rendu à Bujumbura était acquis à 1 351 francs durant les 6 premiers mois en 2024 contre 1 000 francs burundais en 2023. Selon toujours ces données, un kilogramme de maïs coûtait aux commerçants 627 francs burundais en 2024 durant cette période de 6 mois contre 679 francs burundais en 2023. Cela étant, difficile est d'expliquer comment les prix de ces denrées, une fois produites localement, atteignent sur le marché un prix avoisinant 5000 francs burundais le kilogramme pour le riz et un prix qui est aussi autour de 3500 francs burundais pour le maïs. Et pour réaction, l'association burundaise des consommateurs Abuko estime que la flambée des prix est aggravée par des commerçants. Pour cette association, ces derniers affichent une tendance à fixer les prix des denrées alimentaires en se référant sur le taux de change appliqué sur le marché parallèle. Pierre Ndouaille, président de l'Abuko, plaide pour la prise des mesures qui s'imposent pour les devises, pour que les devises restent disponibles sur le taux reconnu par la Banque centrale en vue de faire face à la flambée des prix. Je vous prie de le suivre. En ce qui concerne la flambée des prix des produits de première nécessité qui s'observe sur les marchés, au niveau de la Boko, ça nous préoccupe énormément parce que, d'après ce qu'on a constaté, apparemment, les commerçants fixent aujourd'hui les prix en tenant compte de la fluctuation du franc par rapport au marché parallèle et ça faisait déstabiliser l'économie des ménages. Ce qui fait que le prix d'un produit aujourd'hui, quand il vient d'en mettre, tu trouves que le prix a énormément été modifié. Ce qui nous fait craindre qu'au niveau des ménages, c'est une situation qui est vraiment très préoccupante, dont le gouvernement devrait prendre en considération en prenant toutes les mesures nécessaires pour stabiliser la fluctuation du franc par rapport aux devises, pour que les marchés parallèles ne soient pas vraiment une référence, mais que le prix des bureaux d'échange, comme ça a été fixé, puisse être appliqué. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, ce n'est que des prix indicatifs et quand il va dans les banques, commerciale, tu ne trouves rien. Les devises ne sont disponibles qu'au niveau du marché parallèle, ce qui faisait vraiment déstabiliser l'économie des ménages. Quant à l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, l'UCOM, il dit ne pas comprendre le silence du gouvernement burundais pour faire face à cette inflation. Gabriel Oufiri, président de cet observatoire, trouve que le gouvernement devrait collaborer avec les experts en la matière et demander un crédit dans l'urgence pour amener la situation à la normale. On l'écoute. On a trouvé que les prix ont monté de 20% à 400%. Ces prix montent du jour au jour. C'était flambé des prix causés par plusieurs facteurs. Il y a facteur de production au niveau intérieur. Les importations, quand elles ne parviennent pas à combler le déficit de la production intérieure, c'est aussi le principe de la loi de l'offre et de la demande qui joue. Les importations actuellement viennent à côté goutte du simple fait qu'il n'y a pas de devises. Par ailleurs, je dirais que les devises, c'est le nez de tous les problèmes. Il est urgent de trouver la question de ces devises. On peut donner trois solutions urgentes. La recherche d'un crédit de 500 millions de dollars, mais aussi il faut des mesures conséquentes pour gérer cette somme. Il faut une commission d'experts indépendants envie de proposer des hypothèses et publier des solutions proposées. Vraiment, cette situation nécessite la conjugaison d'efforts. Il n'y a aucune institution qui a une solution magique. Seulement, il faut que les experts s'assoient ensemble et donnent des propositions, des hypothèses au gouvernement pour qu'il puisse vraiment prendre le taureau par les cornes. Donc, prendre des mesures qui s'imposent dans les meilleurs délais. Gabriel Ouftili, président de l'ELUCOM, et les taxes revues à la hausse constituent un des facteurs à l'origine de la flambée des prix dans le pays. C'est une analyse d'un expert en gestion des politiques économiques qui déplore que le budget de consommation reste plus élevé que celui d'investissement. Serge Nilamebura estime que la meilleure des solutions serait de restreindre le budget de consommation en vue de stabiliser les prix suivants. À ce propos, Serge Nilamebura, il est expert en gestion des politiques économiques. L'objectif de la stabilité des prix, c'est une orientation qu'un gouvernement peut prendre parce que ça a beaucoup d'avantages, notamment l'accroissement de l'épargne dans les banques, ce qui va accroître les liquidités et ce qui va diminuer les taux d'intérêt pour que le secteur privé puisse augmenter la production. Deuxième orientation, c'est lorsque l'État fait beaucoup de travaux d'infrastructure, d'investissement dans les routes, dans les barrages. L'État peut utiliser beaucoup d'argent. Donc, dans ce cas, les prix vont augmenter, mais avec l'espoir que lorsque la production va augmenter, que les prix vont se stabiliser à un certain moment. Troisième alternative, c'est lorsque l'État fait beaucoup de dépenses de consommation, c'est-à-dire dans le paiement des fonctionnaires, dans la vie quotidienne, dans les voyages. Dans ce cas, ce sont des prix qui montent, mais qui ne vont pas se stabiliser à un certain moment parce que c'est une augmentation des prix structurelle qui ne va pas générer la production qui va finalement stopper cette augmentation de prix. C'est pourquoi les charrois de l'État, normalement, on devrait oublier ça. Si, par exemple, on va dans le sens de diminuer le déficit budgétaire, ce qui peut diminuer l'accroissement des prix. Malheureusement, il faut voir si c'est le cas que le Burundi vit ou si, dans la structure du budget de l'État, les dépenses vont plus à l'investissement qui va générer la production, qui va stopper l'augmentation des prix à un certain moment. Disons alors que d'où vient l'augmentation des prix? Souvenez-vous que lorsqu'il y avait un budget, on avait déjà dit qu'il y avait un déficit budgétaire, c'est-à-dire de l'argent que l'État a prévu d'utiliser, mais qui n'avait pas de source. La source, c'est ça, c'est l'augmentation des prix, c'est-à-dire que chaque contribuable burundais, en fait, paye dans la diminution du pouvoir d'achat de la monnaie, ce qui se transmet par une augmentation des prix. Selon toujours cet expert, des dignitaires impliqués dans le commerce devraient l'abandonner puisque cela reste une entrave. En ce qui est de la concurrence dans le commerce, il indique en outre que cette situation ne fait qu'amplifier la pauvreté et la flambée des prix dans le pays. Suivez encore une fois Serge Nilamebura, expert en gestion des politiques économiques. Quant aux fonctionnaires de l'État qui utilisent les moyens de l'État pour prétendre être des opérateurs économiques, ce n'est pas vrai. Parce que si vous devriez faire une comptabilité, calculer combien de moyens ils ont mis à la production par rapport à la production, la plupart des cas, vous allez trouver qu'il n'y a pas eu de gain. C'est juste une malversation économique. D'autres chefs administratifs vont faire une concurrence déloyale. L'absence de concurrence aussi amène une absence de productivité, ce qui ne fait qu'augmenter les prix et augmenter la pauvreté dans le pays. C'est pourquoi, en fait, il y a des opérateurs économiques qui naissent parce qu'ils ont les moyens de l'État. Et le jour où ils vont cesser d'exercer les fonctions étatiques, ils vont abandonner cette opération économique parce que cette opération économique n'était pas rentable. C'est aussi pourquoi chaque régime chez nous amène les nouveaux riches, c'est-à-dire des gens qui ne faisaient rien comme activité économique, mais comme il y a des moyens gratuits de l'État à exploiter. Et ces gens-là font des profits exorbitants, pas parce que l'activité économique est rentable, mais parce qu'ils utilisent les moyens qui ne sont pas les leurs, qui ne sont pas des dépenses. Donc, c'est pourquoi cette malversation économique est rentable chez ces personnes, alors qu'en réalité, l'activité n'est pas rentable. C'était Serge Nilamebura, il est expert en gestion des politiques économiques. Contacté à ce sujet, le ministère en charge du commerce, dans ses attributions, il n'a pas voulu s'exprimer. Il nous a indiqué qu'il est prévu des échanges au niveau institutionnel en vue de statuer sur cette problématique de la flambée des prix. Et voilà, donc c'est par ici que s'achève cette synergie des médias. Vous l'avez entendu. Un seul sujet était à l'honneur, la hausse des prix de certaines denrées alimentaires de première nécessité sur différents marchés du pays. À travers les reportages dans différents coins du pays et les interventions des uns et des autres, vous avez pu entendre les causes et les conséquences de cette flambée des prix. Des représentants des associations de la société civile ont fait leur lecture par rapport à la situation, ainsi que l'analyse d'experts en économie. Ont participé à cette édition en synergie des médias, les radios Bonesha FM, Radio Isanganiro, Radio Rema FM et Radio Shima FM. À la présentation de cette édition spéciale, vous étiez avec Mireille Kanyange et Sonia Kamikadi. La mise en onde était assurée par Viateur Kwizera et à la réalisation était Alain Désiré Bukeneza et Alain Niomuchamanza. Merci Mireille, merci beaucoup à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Gardez l'écoute tout de suite après. Vous allez pouvoir suivre cette édition spéciale en synergie des médias en langue nationale. Merci. Merci. La synergie des médias au Burundi. Urunani rw'amaradiyo mu Burundi. Synergie des médias au Burundi. Urunani rw'amaradiyo mu Burundi. Synergie des médias au Burundi. Urunani rw'amaradiyo mu Burundi. Synergie des médias au Burundi. Urunani rw'amaradiyo mu Burundi. La synergie des médias au Burundi. Radio mu Burundi. La synergie des médias au Burundi. Radio mu Burundi. La synergie des médias au Burundi. urunani kwa maradio turabaye mwiriwe ncuti bagenzi muri ko murakurikira amakuru y'urunani kwa maradio amakuru ashikirizwa ku ngingo imwe rudendeye nayo ikaba yerekeye iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa bimwe bimwe cyankenegwa n'ingaruka zitegwa n'iryo duga ry'ibiciro murano makuru turabashikana mu bice bitandukanye by'igihugu mwumva ico abanyagihugu bavuga kuri iryo duga ry'ibiciro n'imishikirizwa na bamwe mu maserukira amashyirahamwe yigenga n'umuhinga mu by'ubutunzi Ano makuru muri ko murayakurikirana mubicishije ku radio ane ariyo radio Bonesha FM radio Isanganiro radio Rema FM hamwe na radio Shima FM ikorera mu ntara ya Rumonge ano makuru muyashikirizwa na Jewe Striver Miginimana afatikanije na Jewe Yvonne Munyaneza uri kwatuma amajwi abashikirani Viateur Kwizera Sangwe Kazi Ano makuru yuno nigwa maradio tuyari mwisoko ya Cote na Bujumbura City Market bita kwa sioni abaguzi banegura ko biciro by'ibidandazwa nka byose byaduze kwa mahera atari make cyane cyane muri aya mezi abiri batanga karorero ku muceri waduze ko ayashika igihumbi na hamwe n'igikinjo cy'amavuta y'amakoto ya cavuye ku bihumbi 12 gishika ku bihumbi 20 bamwe mu badandaza basigura ko bitumwa n'amafaranga bunguruza ko bidandazwa kandi n'umwimbo uri kuragabanuka bagendanije no mu myaka heze Willis Ndayihebura Turi mu isoko Bujumbura City Market bita kwa Sioni umuguzi avuga ko ibiciro nka byose byivyankenerwa byaduze ko amafaranga atari make Ubunye kira tumuciye ko aratugura ibihumbi 3 ibihumbi 4 ubigeze ku bihumbi 5 ibihumbi 7 amavuta nuko umunyu ko aratugura kiro igihumbi ubikiro yegeze kuri 2025 amakoto kijya kibuni cyara kigurwa 12000 ubigeze ku bihumbi 18.20 nibiharage nuko ne kiro kinure kigeze kuri 3500 twara tukigura ibihumbi 2 igihumbi n'amajani 7 imbabura twara twigura ibihumbi 3 ubigeze ku bihumbi 6 imamiro kwa tukigura 5 ubu ni noti ya 2 ubajijugiye kugurira kubwira nawe niko yaranguye ibyo biciro bigasa n'ibyo ku isoko ya Kotebo bano badandaza bakorera muri aya masoko abiri bagasigura ko ibiciro biriko biduga cyane ahanini byunyuwe n'amafaranga yo kubyunguruza bikuye iyo babirangurira yegwijwe ko gashika kabiri ubona nk'ibi bintu imodoka iri shuri hombi kwa mukaya kirenze imisuki kanu umira majana ta umuceri washikira ha 4 ubushikira ha 4.3 tukaca turangura 4.5 4.6 tucugurishwa 5 4.8 kiro cy'umuceri bara bagikora igihanga kwijana agashakiza kuri 5 nandi umva nka ngaka sesha ko inyimbo yiwanje n'amakori nibiki nibibanze agashabi guma biduka tena ikindi kivugwa n'abamwe mu badandaza nuko ni umwimbo uri kuragabanuka ugereranije no mu myaka iheze maze imyaka myinshi ndandaza inge zizimbuka bivanye n'imbura ku byagenze wowe nk'uwo muri no misi tomate zaze maze misi zihari era maze misi kwa 2025 ngo ubuzi bwose gakana muri bitatu cyaro ku 2008 muri abizi bitungu byemeze bise kwa amerika mu myaka ya 5 ubu gusa vyera n'ivyo vyamaze kuba kuri 2 byaruje bitatu kubera wa mwimbo wagabanutse ni maka rero undi mwimbo uboneke yifuzwa cyo maze misi gusa twa misense bayita ama fresher bayidugize kwera ni mu mvura n'ubwo nk'uko nubanikira ukirangura twa misense umaze rero gusa gatatu mu Burundi ko no musu mwimbo uri kuba gakabanuka cyane ko mwimbo n'ikintu kanaka kera kubera abantu batabagwira kandi abantu mu Burundi kuri aba benshi muri 2012 hari ko hari imimiliyoni 3 abo badandaza ndetse nabo baguzi basaba leta gukora ibishoboka byose kugira ngo igitoro kiboneke ndetse akaba no kwijugira kuruta ibijyanye no kurima mu Burundi ni mu gihe abo bose bagereranya ko muri aya mezi ane aheze ibiciro by'ibidandaza bitari bike byadugijwe ko amafaranga ari hagati y'amajyana 5 n'igihumbi 2 turabandanya nano makuru muri komine Gihanga intara ya Bubanza umuceri ibigori n'ibiharage byaraduze igiciro kiri hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2 ku kiro mu kiringo cy'amezi 2 aheze abaguzi bivyo bifungurwa basigura ko ivyo biciro vyagize inkurikizi ku miryango bamwe muri bo bahitamo kurya imboga gusa basaba ko hofatwa ingingo zijanye no kugabanya ingaruka ziduga ry'ibiciro ino nkuru tubaze Speskaritas Kabanyana ku masoko atandukanye aho twashoboye gushika nko ku musenyi muri komine Mpanda ku muzinda muri komine Rugazi cyangwa Gihanga ikiro cy'ibiharage kigeze ku mafaranga 700 ibiharage by'imbuto canke ibyo mu bwoko bita muhoro canke jone byahora ku 500 haraheze amezi abiri ibizimbutse bigugwa amafaranga 3500 ikiro byahora ku 2500 haraheze amezi abiri nkuko abadandaza co kimwe n'abaguzi babimenyesha ikiro cy'umuceri kigeze ku mafaranga 4500 haraheze amezi abiri cyari ku 3500 nkuko abaguzi babitumenyesheje ikiro cy'intete z'ibigori kigugwa amafaranga ari hagati y'3000 n'4000 byahora ku mafaranga 2000 gushika mu kwezi kw'9 abaguzi bakavuga ko badatahura igituma waba umuceri canke ibigori biguma bizimbye kandi ngo byimbuka cyane hano mu kiyaya mu miryango imwe imwe cyane cyane yifise amikoro make bakavuga ko gushobora gufungura ari ingorane ibiciro by'inja kubera byabaye birebire nta kuntu ndonka amahera w'ugusuma kuko sinshoboye itasha mu buzima bwaho kuntu tubayeho utagiye mu itasha ntujya ubu rero tubaye huko abana bararara inzara umuntu akarari furenga renga tugaragara umwana akiri guko ku mugoroba umwana ugashumuhereza irenga renga ryonge ndakabari ryaje nkagende mu fakazi niruka ndumwe mu bana batandatu niyo ngize tindagiye ndakoze ndagwasha nk'ubuye bukantera birashika no kurura bakaburara kubera inga zazimbye uko ntukironka 500 ngende gusuma kugira ngo bajye bakoresha 15 abo banyagihugu bagasaba babishoboye ko bofasha nka jewe cyambere mbona nuko leta yodufasha ikorohereza abantu basanzwe batuzanira ibifungurwa mu kubakura ko nk'amakori kugira ibiciro bigire ntibisubire imanuke iyo byakunda nk'abagira neza boza bakaza barabaha nk'imitaha abantu udafise hakora akagenda gakotesha kukavuga ubuzima bw'itasha nukuri buramarana bakabaha nk'utwo dufaranga bakagenda bagakotesha aho barima abasigaye bakadandaza udashoboye kurima abadandaza twaganiriye bagasigura ko ibiciro ahanini biduga bivanye n'amakori bariha bivanye n'umwimbu wabonetse iyo babirangurira bivanye kandi n'amafaranga bariha mu kuja kurangura ngo ni menshi kubera ubukene bw'igitoro Space Caritas Kabanyana ibubanza kubw'urunani rw'amaradiyo Spesi Caritas Kabanyana tugushimire sa ibubanza gusahe kandi makamba umwe mu banyagihugu basanzwe basumira mu isoko nkuru ya makamba basaba leta gufata ingingo zihuta zotuma iduga ry'ibiciro ku bifungurwa rihagarara ni mu gihe muri iyo soko ibiciro by'ibifungurwa byankenerwa byigwije hafi inshuro zibiri mu mezi atatu aheze bituma imiryango itoroherwa kuronka icifungura imakamba Richard Kabura Umeza tatu ibiciro by'ibifungurwa byankenerwa byaraduze cyane mu isoko nkuru ya makamba ko kubiharagi hiyongeye ko amafaranga ari hagati y'3000 n'5500 ku kiro bivanye n'ubwoko bwabyo akarorero ni nk'ibyo bita kinure igiciro cyavuye ku mafaranga 2500 kijya ku 4000 umuceri urimwa ahitwa mu munyika muri yo ntara nyene ugugwa hagati 3800 n'4000 mu gihe wagugwa hagati 2000 n'2200 uva mu gihugu cya Tanzania wavuye ku 3500 uja ku 5200 na yarenga igiciro cy'intete z'ibigori kiva ku 1900 kija ku 2500 ku kiro iryo duga ry'ibiciro ntiryasize inyuma kandi n'ibindi bifungurwa birimwa muri yo ntara nk'ibijumbu ifu y'imyimbati ibitunguru n'ibindi bamwe mu baguzi twasanze muri yo soko baganira ko barengewe cyane mu miryango yabo nuhuvuga je nkaho mbaye sasita ndufungura tujya mwijira ibiciro nibirebire nokore turankuntu ningorane abana turi byo tubagaburira kiza umwana yamenyeye guhaga ugasanga ntahazi ugacu sanga ninduru umuryango nabakozi ba leta bidoga ko batewe n'ubwoba n'iduga ry'ibyo biciro kuko ngo batabona iyo bariko baraja twebwe twabuze ico dufata n'ico tureka tugiye mu isoko turamaramara utwaye inoti 10,000 urumvisha ikozo kakibura iri duga nyene radutera ubwoba n'imishahara duhembwa dusanga bitangana tukimvira iyo turiko turaja tukahabura kubgabo leta ngo yari kuye gufata ingingo zihuta zokiza abanyagihugu niko yaduhagurukira amakaraba ngene bikira byogabanuka ni batugabaniriza ibiciro twegwe turarushe n'abakozi ba leta nabo babadugiza agashahara iryo duga ry'ibiciro ry'ibifungurwa rikora kandi no kubadandaza babyo baganira ko abaguzi bagabanutse cyane ibituma rudandaza rwabo rutabaruka igenda neza nk'uko byari bimeze ibiciro bitaraduga mu isoko nkuru ya makamba Richard Kabura ku burunani rwa radio Arakoze Richard Kabura hariya imakamba bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura baridoga ko batagishobora kubeshaho imijyango yabo biturutse kwiduga y'ibiciro abafise imijyango bemeza ko batakironka ico bagaburira abana gatatu ku munsi nayo abafise imijyango mu ntara zo hagati mu gihugu bavuga ko batagishobora kuduga kuraba imijyango yabo kuko amatike yo kuyunguruza yaduze basaba leta gutorera inyishu ikibazo ciduga y'ibiciro ino nkuru tubibaze Sonia Kamikazi bivanye nituga y'ibiciro nkabe ningiye ku ntibitworohe duga y'ibiciro no gahumura kunwa abo ni bamwe banyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura bidoga ko batagishobora kwibeshaho no kubeshaho imijyango yabo biturutse ku iduga y'ibiciro ku bidandazwa vya nkenegwa harimo ibifungurwa ababyeyi bafise abana bavuga ku iduga y'ibiciro bituma batagishobora kuriha n'amashure y'abana ku buryo tuba dufise ntidushaka gusoma ibyo tuba dukeneye vya nkenegwa mu miryango ndashaka kubironka abana mu mashuri tugasa nga ndashaka kubarira amashuri nkuko byari bitegerejwe tugasanga mu muryango ndashaka kubambika mva uruhombo rucaro ba wish ibintu biduka cyane babisanga ndamikoni makeya nka James abana baje bafungura rimo busa ku munsi kandi kusa bimwe n'igogo ategeza gufungura gatatu iruhande y'iduga y'ibiciro by'ibifungurwa abafisi imijyango mu ntara zo hagati mu gihugu ntibagishobora kuja kuraba imijyango yabo kubera n'ibiciro byo kwiyunguruza byaduze nkuko vyemezwa numwe muri bo ibiciro byaduze ku buryo bw'uko tutakironka ukuntu tubivuga kandi tuzi ibiriko biraba mu gihugu turavise imijyango ruguru twarayihevye kuko ntibikunda ko umuntu aduga turose dukeya turabarungiki muga kuduga ntibikunda n'imodoka zaraduze ibintu byose byaraduze abo banyagihugu basaba leta gukemura ikibazo c'iduga y'ibiciro bagasaba kandi leta gutorera inyishu ikibazo c'igitoro kuko ikena y'igitoro riri mu bituma ibiciro biguma biduga leta ikaba cy'igitoro giterera umuti kugira ngo ibiribwa biva ruguru kugira ngo bishyize ku isoko bitsimbuke kandi kinacho leta yo dufasha nk'umubyeyi ikaraba ku masoko kuko nababizana bace bika mu kinza bakabidugisha be kandi bitano kuduka dusaba ku bintu byagabanuka ibiciro kugira nyene abantu babashe kwibeshaho ni mu gihe ikena y'igitoro rivugwa ko riri mu bituma habiduga y'ibiciro mu gihugu cy'u Burundi rimaze hafi kiringo cababa imyaka itatu Sonia Kamikazi ndagushimira ndakumenyesha ko nimwe mu miryango yo mu ntara Gitega itagishoboye gufungurira bikwiye imiryango yabo kubera iduga ry'ibiciro ry'ibifungurwa bamwe mu baganire na mugenzi wacu Ivodo Ninkunze bavuga ko iryo duga ry'ibiciro ritanguye kugira ingaruka mbi cyane cyane ku magara y'abantu Gitega Ivodo Ninkunze Mu isoko nkuru ya Gitega umucera benshi bita mu Tanzania wa mbere wadandazwa amafaranga 600 ku kilo haraheze amezi atatu gusa uno munsi uri kudandazwa amafaranga ari hagati y'600 n'500 n'700 ni mu gihe umucera usanzwe urimwa mu Burundi benshi bita bugenyuzi uri kudandazwa amafaranga ari hagati y'400 na 200 hamwe n'amafaranga 400 na 500 ku kilo mu gihe mu mezi atatu arenganye wadandazwa hagati y'amafaranga 300 na 500 n'400 ibiharage batazira muhoro byadandazwa muri amezi atatu nyene arenganye amafaranga 300 na 500 ku kilo uno munsi biriko bidandazwa amafaranga ari hagati y'400 na 500 n'400 ku kilo ahabonetse intete z'ibigori zahora ku mafaranga 200 na 500 ku kilo muri amezi atatu arenganye ziriko zigurishwa uno munsi amafaranga 300 ku kilo iryo duga ry'ibiciro ngo ntiriko rikora rero ku baguzi gusa kuko nkuko abadandaza twasanze mu isoko nkuru ya Gitega babituganiriye ngo nabo nyene bariko bakora bahomba kuko ababashore bagabanutse cyane dufata nk'iyo umuntu zashize ugasanga yiranguriye utuntu twakwera aba yaturanguye tuzimbye nyamba umukiriya ahora kironka kuri 3 na 2 3 akumva kigeze muri 4 canke muri 5 ntaba kije naho rero natwe cyatugirira ikibazo cusanga atagafaranga natwe turiko turi aba badandaza bagasaba leta gukemura ikibazo cy'ibura ry'igitoro n'ikena ry'amafaranga y'agaciro kuko ngo bize imbere mu biri ko bikomeza gutuma ibiciro biduga ku isoko ku mugwa mukuru wa politike Igitega Evode Ninkunze kuburu nani kwa maradio. Nani kwa maradio kuburu nani. Uko kwinjiza ibigori hamwe n'umuceri mu Burundi vyarakozwe ku rugero rutari bwashikwe ko mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka w'2024 ibiharuro bitangwa ni Banki Nkuru y'Igihugu vyerekana ko itoni zababa 36,000 z'umuceri zinjiye muri ico kiringo muri uyu mwaka mu gihe mu mwaka w'2023 muri ico kiringo hari hinjiye itoni 6,800 ivyo biharuro nyene vyerekana kandi ko ibigori navyo vyinjiye birenga itoni 20,000 muri ayo mezi atandatu nyene y'umwaka w'2024 mu gihe hari hinjiye itoni 6,600 muri ico kiringo ico ivyo biharuro vyerekana tubibwirwa na Jean de Dieu Irakoze. Umuceri, ibigori hamwe n'ibiharage birinjizwa mu Burundi hambavu yo kuba birimwa mu Burundi. Ibiharuro dukura mu Banki Nkuru y'Igihugu byerekana ko umuceri winjiye ku rugero utari bwashike ko mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka w'2024 hinjijwe itoni zaba 36,000 z'umuceri mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka w'2024 mu gihe hinjiye itoni 6,800 muri ico kiringo nyene mu mwaka w'2023 ku bigori naho muri ico kiringo nyene mu mwaka w'2024 itoni zirenga 20,000 nizo zinjijwe mu gihe mu mwaka w'2023 hinjiye izigera ku 6,600 bitarari hamakori n'amatagisi. Ibiharuro bitangwa ni Banki Nkuru y'Igihugu vyerekana ku kiro cy'umuceri cyashikanye ubujumbura ku mafaranga 1,351 mu mwaka w'2024 mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka mu gihe mu mwaka w'2023 cyashika ku mafaranga 1,000 gusa. Ivyo biharuro nyene byerekana ko mu mwaka w'2024 mu mezi atandatu ya mbere ikiro cy'ibigori nacyo cyashika mu Burundi kiri ku mafaranga 627 mu gihe mu mwaka w'2023 byerekana ko cyashika ku mafaranga 679. Mu gihe ivyo bimeze gutyo biragoye gusigura ingene ibiciro vy'ivyo bifungurwa mu gihe vyimbuwe mu gihugu vyoshika ku mafaranga ya baba 5,000 ku kilo cy'umuceri hamwe n'igiciro cya baba 3,500 ku kilo cy'ibigori. Namwe mu mashirahamwe hanira gateka kazi na munagite cavuga ku bijanye n'induga y'ibiciro ahishirahamwe rihanira gateka kabaguzi abuko rivuga ko iduga y'ibiciro ryunyugwa n'abadandaza libona ko basigaye bashinga ibiciro bisunze igiciro cy'amafaranga mva makungu kiri ku isoko yo mu Kinyiwabi kugira ibyo biciro ntibandanye biduga. Pierre Ndwaye arongoye ishirahamwe abuko asaba ko hafatwa ingingo zikwiye kugira amafaranga mva makungu agume aboneka ku giciro kizwi ni Banki Nkuru y'Igihugu BRB. Tumutegabiri mvyerekeye ibiciro vy'ibidandazwa vya nkene gusanga bizikuma biza birahindagurikana cyane cyane bihindagurika biduga ku masoko. Twe turabona yuko ari ibintu biteye ubwoba cyane kuko ko waguze ikidandazwa uno munsi ejo subiye gusanga ca duze tubona ahubwo umenga abadandaza uno munsi ibiciro vyabo basigaye babishinga bafashe ukuntu ifaranga mvamakungu rivuzwa harya mu isoko ry'Ikinyiwabi. Ibyo rero bikaba ari ibintu biteye ubwoba cyane na cyane cyane byerekeye ibyo ubutunzi bw'igihugu umaze kubona yuko abantu bashinga ibiciro bafatiye ku ifaranga mpuzamahanga na cyane cyane badafatiye mbere no kuri ibyo biciro bisanzwe bizwi muri leta. Ibyo onye biratuma abaguzi muri no minsi batamerewe neza na gatoyi. Nico twituma twibaza yuko hari bakwiye gufata ingingo zishoboka ku buryo botunganya ifaranga kujya rivunjwa batwereka ko rivunjwa ku masoko azwi jo heza rikaboneka kuko atari ibyo biraheza bigahaza bihungabanya ubutunzi bw'imiryango. Pierre Ndwaye arongoye ishirahamwe riharanira agateka k'abaguzi abuko. Ishirahamwe Olicom rigwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta riranegura ko iduga ry'ibiciro kuvyimburwa ndetse no kubikurwa hanze y'igihugu vyaduze ku rugero ruri hagati ya 24% ariko hakaba hatariko harafatwa ingingo zihuta. Gabriel Rufyiri arongoye Olicom abona ko leta yari kwiye gukorana n'abahinga kugira ngo batorere umuti ikibazo c'iryo duga ry'ibiciro na cacane mu gusaba ideni gihuta ryofasha kuronka ivyangombwa. Kurikira Gabriel Rufyiri arongoye Olicom. kubintu twimbura mu gihugu ibyo dukura hanze byose byaraduze hagati ya 200 to 400% kintu bitangaje biguma biduga njye bavuga ko hari icyo nokwita instabilité généralisée des prix ibyo bikava ku bintu bibiri nyamukuru nuko biva ku kungene umwimbu uba wagenze mu gihugu bigaca biva kandi ku bintu dukura hanze iyo byo dukura hanze ari bikeyi ica bigora hari rero ikindi kintu gituma byose biba mwa kintu kiringo ni kibazo kijanye n'amafaranga y'agaciro bita amadovize ifumbire ibuze mu gihugu nta mwimbo mu gihugu hagati shoboka ibintu byose bigigwa biraba transporte hacha habi ngorane y'ibitoro ibyo bari kuguruza nko mu 2050 uco byubuza ku 500 kwebwe tubona yuko leta ikwiye gukorana n'abahinga kugira ngo turabe ngene ibintu byo hagara kandi birashoboka abahinga n'icyo kitwa baba bariho ibi bintu nta muntu yobishiramo politique nuko tubona ko leta yosabi deni gihuta kugira ngo dushobore n'imiburiburi kurondera ibintu byangombwa ice ishiraho icyo nokwita a mécanisme transparent de gestion nuko leta yoca izirashira ku mugaragaro abantu yahayo mafaranga nibyo bagiye kuzana ni kungene bapfowe kuko bitagenze gucyo ni hahana ya mafaranga uyasanga nga ku isoko ugashusanga abanyagihugu bariko baragira ibibazo kandi leta ni yagomba gufata ya mbere Gabriel Lufsiri alamutswa ashiramwe uri komena yo kubona amataxi yongera nimwe mvumvu zituma ibiciro biguma biduga mu Burundi ni insiguro z'umuhinga mu vyigwa bijanye n'intware bereye mu butonzi anegura ko leta ishira amafaranga menshi mu bidakenewe agatanga karorero kimiduga myinshi jeje kunguruza inzego Serge Ntiramebura asigura ko intumbero nziza leta yufata ari kugabanya bidakenewe mu mafaranga leta ikoresha dukurikire Serge Ntiramebura n'umuhinga mu vyigwa bijanye n'intware bereye mu butunzi kugira ngo ibiciro bishobore kuguma hamwe ntibigume biduga ni ntumbero leta iba yarafashe no kuvuga ko leta iba yatoye gutubika umukanda kugira ngo mu gihugu ibiciro nibiduge hariho ama leta afata iyo ntumbero iciza kivamwe nuko amahera acaboneka mu mabanki abantu badasubira kunyegeza amahera cyangwa ngo bayagure ibintu bidatagaciro ni ibintu by'imitahe rero abantu baca bashira amahera mu mabanki hama rero abagenda kugurana amahera kugira bakore imigambi bakabikora kandi usanga n'inyungu bari hamwe mabanki kungurana babafashe ugasanga ni ntoyi iyi ni ntumbero ishoboka nuko amareta yari karakora ibintu by'ibikogwa bizohava bizana amahera mu nyuma nk'ibintu byo gushinga amashira hamwe ibintu byo guca amabarabara ibintu byo kugira imiyaga nkuba ivyo oye iyo leta iri kirabikora kandi akabata amahera ishobora gutoza mu makori oye ibiciro biraduga uburyo bumwe bwo bogore igihugu ivyo abantu bataba bifuza ni gihe leta usanga ikoresha amahera menshi mugabo mu buryo bwo kubaho bisanzwe bwo guhemba abakozi kubga Serge Ntiramebura umuhinga mujanye n'intwari bereye mu buturu dandazwa bakwiye kubiheba kuko biri mu bituma ubukene bwiyongera mu gihugu ibiciro navyo bikaduga cyane kuko atamuco usubira kuboneka mujanye no gushinga ibiciro n'ubunyene kurikira Serge Ntiramebura abantu babategetse usanga bakoresha uburyo bwa leta hama rero bagaca bavuga ngo nabagwiza tunga ahubwo baba bariko bagwiza ubukene mu gihugu kubera hajya ugiye kubaharurira ubwo baharurira karaba ibyo bakoresheje uburyo bwa leta bakoresheje n'ivyo bimbuye ugiye guharura wosanga bahombye hamwe bufata ko bijya bujya bwa leta ubwo baba ari ubwabo baba bahombye mugaga kubera uburyo bwa leta kubera bataburiha bobo baca bunguka atari kubera baremye itunga canke ibikorwa bakoze hari ico byavyaye ahubwo kubera bakoreje uburyo butari ubwabo muri make rero baba bariko bagwiza ubukene mu gihugu abandi bakuru mu ntwaro rero iyo bagize urudandazwa ico bakora nuko baca babuza abandi kudandaza ubwiza bw'inka rero nuko ibari imwe urumva abantu baca bagura nyene ibiciro biri ku biciro biri hejuru kubera atahandi bashobora kuja kugira bagure ibyo byose rero nibigwiza ubukene mu gihugu Serge Ntiramebura n'umuhinga mujanye n'ubutundi mu bushikiranganje buje budandaje twarabarondeye ariko naco bashimye kubivuga ko ubu badusaba kurindira ibiganiro vyimirije no ngaha ano makuru none ngo maradio arangiriye ndabutse ko no makuru yashimikiye ku nkingi imwe rudende ino ikaba yerekeye iduga ry'ibiciro vy'ibifungurwa bimwe bimwe vyankenegwa n'ingaruka zitegwa n'iryo duga ry'ibiciro Ano makuru mwariko mwari akurikira vichi emu maradio ane ariyo radio Bonesha FM, radio Isanganiro, radio Rema FM, hamuna radio Shima FM ikorera muntara ya Rumonge. Muka mwariko mwashikirizwa na Jewe Silver Bigirimana na Jewe Yvonne Munyaneza. Muhinga bw'ivyuma wari kwa radufasha ni Viatere Kwizera. Mugire umugoroba mwiza. Nani kwa maradio mu Burundi.